mais qu'il y ait une offensive idéologique contre l'université, nous en sommes d'accord, mais elle s'appuie sur le sens commun. Regardez ce qui est dit dans tout, s'il vous plaît. Regardez ce qui est dit dans tout, regardez ce qui est dit par nos collègues du secondaire. Ce sont les premiers à dire à leurs élèves n'allez pas à l'université. Nous le savons tous. Mais nous le savons tous, ce sont les premiers qui disent. Ce sont les premiers. Mais en sciences, vous savez quel est le pourcentage de bacheliers S qui rentrent en doc scientifique à l'université? 15%. 15%. Il en rentre moins en doc de sciences, hein, qui rentre en doc de sciences. Il en rentre moins en doc de sciences qu'en prépa médecine pharmacie. Que effectivement il y ait une offensive idéologique, que effectivement le gouvernement actuel ne porte pas l'université dans son cœur, nous en sommes d'accord. Cela n'empêche pas que vous avez un processus de beaucoup plus longue période, qui est encore une fois relayé par nos collègues du secondaire. C'est un état de fait. Je veux dire, les témoignages sont multiples à cet égard, et qui est effectivement intériorisé par les familles dans une logique qui est descendue des couches moyennes et supérieures, qui depuis longtemps, parce que quand même, il faudrait aussi regarder les choses. Quand on regarde où font leurs études les enfants d'universitaires, on a souvent des surprises. Bon. Hein? Et qui est descendu progressivement vers les couches moyennes et populaires dans l'idée qu'on allait à l'université quand on ne pouvait pas aller ailleurs. Moi, j'ai commencé à enseigner à l'université au début des années 80, où effectivement, ce que vous disiez était vrai. C'est-à-dire, c'était un espace de promotion sociale pour les couches moyennes populaires qui accédaient à cet enseignement supérieur long. On le voit bien aujourd'hui que, effectivement, y compris ces populations-là, ont l'aspiration à échapper à l'université et sont prêts à payer des coûts d'inscription considérables à leurs enfants pour qu'ils échappent à l'université. Je ne dis pas que c'est fondé. Je dis que ce mécanisme est à l'œuvre, que l'on ne peut pas l'ignorer et qu'il faut trouver les moyens d'inverser la mécanique. C'est tout ce que je veux dire. Mais ce n'est pas en se voilant la face là-dessus qu'on avancera.